Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler avec notre ami Wallet, c'est la chronique de la NCAA. Salut Wallet. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien. Wallet, d'abord, si on parlait un petit peu d'un article que j'ai vu sur ESPN la semaine passée qui suggérait à Trevor Lawrence de peut-être rester une année senior de plus si c'est les Jets de New York qui terminent au dernier rang. Est-ce que tu es d'accord avec ce que ESPN annonçait? On dirait que année après année, il y a toujours un corps arrière qui se démarque et qu'on pense qu'il va être le choix numéro un dans la NFL. Puis on dit, ah ben, t'es tout aussi bien de rester une année de plus puisque tu veux pas être repêché par les Browns, tu veux pas être repêché par les Bengals. Moi, je pense que Trevor Lawrence, c'est un compétiteur, puis peu importe l'équipe qui va le repêcher, il va apporter son talent à cette équipe-là, puis il va faire ce qu'il va faire de son mieux, peu importe le talent devant lui. Je pense pas que c'est l'attitude de Trevor Lawrence. Je suis pas d'accord non plus avec le Dak. Il y a toujours un risque aussi, une blessure, puis tu peux perdre de l'argent aussi. Ouais, effectivement. Là, c'est sûr que Trevor Lawrence, c'est vraiment un joueur unique. Là. La plupart des analystes en termes de repêchage vont le dire, c'est probablement le meilleur corps arrière issu depuis Andrew Luck au début des années 2010. Donc, on parle d'un joueur là, qui va avoir un impact majeur dans la NFL. Mais effectivement, comme tu as dit, s'il fallait qu'il se blesse à son année senior, ben peut-être que ça pourrait le faire chuter. Puis là, ben, c'est beaucoup d'argent qui peut se perdre. Là. OK. Baylor, grosse nouvelle aussi. Baylor qui est une université quand même de prestige. Baylor qui avait une journée de congé qui a décidé finalement de suspendre les activités de football. Ça peut avoir un impact directement sur la saison et le calendrier, ça. Ouais, ben c'est ça. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec l'université. Là, on sait qu'ils ont suspendu leur activité football, mais on ne sait pas ce qui va se passer avec le reste de l'horaire. On le sait là, que dans la Big 12, toutes les équipes s'affrontent, donc Baylor étant supposé affronter les 9 autres équipes de la conférence cette saison, comment qu'on va remédier à ça? Est-ce qu'on va inviter une équipe indépendante, exemple BYU, à jouer des matchs cette saison, ou on va tout simplement enlever les matchs contre Baylor? On ne sait pas de cacher que là, ça va pas super bien pour la Big 12 depuis le début de la saison. Là. Pas seulement au niveau COVID, là, mais aussi au niveau des résultats sur le terrain. Là. Je pense qu'avec la défaite la semaine dernière d'Oklahoma contre Iowa, défaite de 10 contre T. Je vais en comme qu'un nid. OK. Voilà ton. Les éliminatoires cette saison. On va y aller avec les matchs de la semaine. Écoute, le gros match, on parlait de Trevor Lawrence, c'est un bon match. Demain sur ABC à 19h30, c'est le match de surveiller Miami contre Clemson. Ouais, je veux pas être négatif parce que j'essaie toujours d'être positif quand je parle du college football, mais j'ai de la misère à voir ce match-là comme un match qui va être serré. Année après année, Miami, c'est une équipe que j'adorais au début des années 2000, puis on dirait depuis leur fameuse défaite là, contre Ohio State là, au championnat du BCS, on voit que c'est plus la même équipe. Année après année, ils s'avancent dans le top 25, le top 15, le top 10, puis ils réussissent toujours à nous décevoir. Puis je pense qu'il y a juste beaucoup trop de talent de côté de Clem. OK. Un match qui soit serré. J'espère que je me trompe, j'espère que ça va être un match extrêmement serré, puis que les gens vont venir me dire que je suis un détracteur de Miami, puis que c'est une bonne équipe. Puis comme je dis, j'espère que je me trompe, mais j'ai l'impression que ce sera peut-être pas le match que tout le monde s'attendait. Bon, j'ai peut-être le match à voir également. Donc, c'est sur ABC demain. Également, un autre bon match, Tennessee contre Georgia, c'est sur CBS demain à 15h30. Ouais, Tennessee contre Georgia, là, pour ceux qui ont lu mes chroniques, pour ceux qui lisent mes chroniques sur le site du Blitz, j'en parlais cette semaine. Là. Tennessee, c'est une équipe qui avait fait de très très belles choses l'an dernier avec leur entraîneur Jeremy Pruitt. Depuis le début de la saison, ils connaissent un bon début de saison, mais c'est vraiment un gros test pour eux. Georgia, qui est probablement la défensive. Vraiment, ça va être vraiment Tennessee. Je m'attends à une victoire de Georgia. Est-ce que ça va être une victoire par 3 points ou par 2 touchés? Ça reste à voir. Ça va vraiment dicter à quel point que Tennessee se sont améliorés dans les dernières années. OK. Autre match qui est intéressant, c'est sur ESPN. Donc, j'imagine que ça va être sur TSN. Florida contre Texas A&M qui sera à midi demain. Ouais, le match, ouais, il est sur TSN. OK. Ça aussi, ça va être un match qui va être intéressant, surtout au niveau de l'offensive de Florida. Je sais que la semaine dernière, tu parlais de KJ Costello puis Mississippi State comme potentiellement le Joe Burrow de la saison 2020. Moi, d'abord, que je vois les Gators de la Floride depuis le début de la saison, l'offensive, tout ça, tout ça, la défensive, on dirait qu'elle cherche un peu. Ça me rappelle étrangement les Tigers de LSU de l'an dernier, puis Kyle Trask, le carrière partant des Gators, qui a un début de saison complètement exceptionnel. C'est assez de choix match après match. Et Kyle Pitts, qui est un tight end, un allié rapproché. Le gars mesure 6 pieds 6 lancé vers lui. Déjà 6 touchés depuis le début de la saison. Moi, je m'attends à un bon duel entre les deux équipes. Je pense que Texas A&M ont des choses à se faire pardonner parce qu'ils ont un début de saison un peu difficile. Une victoire à l'arraché contre Vanderbilt. Puis, une humiliation contre Alabama. Je m'attends à un match serré entre ces deux équipes-là. Puis, encore là, ça va nous montrer vraiment la SEC-S cette saison-là avec Georgia, Tennessee puis Florida qui représentent 3 des meilleures équipes au pays selon moi. OK. Wallet, ça fait pas mal le tour pour cette semaine. On s'en reparle la semaine prochaine. Salut Danny. C'est la chronique de l'NCAA avec Wallet.